Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous et merci d'être à l'écoute de Radioactive. On se retrouve pour un nouveau mag, votre mag d'actu quotidien avec chaque jour des sujets en lien avec évidemment l'actualité locale. Aujourd'hui dans ce mag, on va vous emmener du côté du cinéma studio à Tours. On va parler du festival Mauvais Tour qui revient du 16 au 19 octobre pour une nouvelle édition placée sous le signe du cinéma de genre. C'est cela. Bonjour. Voilà, je demande approbation. Bonjour Géry. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me recevoir. Bonjour Alain. Bonjour. Alain, donc notre expert spécialiste en cinéma qui du coup a organisé cette rencontre avec Géry aujourd'hui. Géry, tu peux nous dire justement quelle fonction t'occupes au niveau de ce festival Mauvais Tour ? Alors je suis bénévole tout d'abord, c'est important de le préciser, et je m'occupe des partenariats et aussi du village qui aura lieu pendant le festival, qui sera un lieu d'accueil en fait pour le public tout simplement. Ok, voilà. Donc dans la cour des studios. D'accord. Où on peut se restaurer, on peut rencontrer des gens qui aiment le cinéma. Parce que l'avantage du festival, tu vas nous en parler un peu plus, c'est que c'est surtout de rencontrer. On rencontre des professionnels, des bénévoles, des fans de cinéma. Exactement, c'est un lieu de rencontre, en fait. C'est pas... En fait, on le voit différemment que voir une séance classique au cinéma ou que regarder un film chez soi. C'est justement faire des rencontres, faire rencontrer des gens. C'était ça l'idée du festival. Alors, je disais nouvelle édition, mais ça fait combien de temps ? Alors, peut-être que ceux qui sont adeptes du film de genre, vous avez connu Mauvais Genre, justement. Vous allez te poser la question. En fait, le festival Mauvais Tour est à sa deuxième édition et c'est un festival qui est un peu rené de ses cendres. Mais il y a eu un changement d'équipe, un changement de lieu et aussi de format. On est sur une optique un peu différente, même si on est toujours autant cinéphile. Mais voilà, c'est la deuxième édition en tant que Mauvais Tour et au studio. Alors moi, j'ai lu que l'événement, il était présenté comme le festival des cinémas de l'imaginaire. Tu me dis si je me trompe. C'est bien ça. Qu'est-ce que ça englobe exactement, du coup ? Alors, les festivals de l'imaginaire, ça englobe beaucoup de choses, justement. Par exemple, pour ceux qui ont connu la programmation de l'année dernière, il y a eu deux prix qui ont été décernés, enfin plusieurs, mais les plus notables, c'était Flo, l'histoire du Petit Chat, donc un film d'animation qui a beaucoup plu, qui était présent en séance à la fois pour les scolaires, mais en séance aussi en compétition. Et il y avait un autre film qui n'avait rien à voir, The Substance, où là, un film d'horreur, de body horror même. Donc là, c'est vraiment l'imaginaire au sens large du terme. En plus, ce qui a été primé après son passage à Mauvais Tour, on a vu qu'il a une carrière vraiment étonnante. Lequel ? The Substance. Oui, Flo, les oui. deux. Les deux, de toute manière. Tout à fait. Il faut dire que Mauvais Tour est un petit peu un tremplin, entre guillemets. On l'espère, oui. On sort un petit peu du circuit traditionnel du cinéma dans ce festival. C'est ça, justement. C'est l'idée, oui. Et du coup, le public est au rendez-vous ? Alors oui, le public était assez attentif l'année dernière. On a eu aussi un changement de direction artistique puisque les deux programmateurs, qui sont Simon Rio et Nicolas Martin, qui publient régulièrement le podcast de cinéma Réaliser son trucage, ont apporté, enfin, sans rien vous cacher, un audimat assez important. Et les gens sont même venus d'Andorre, de la région centre. Donc on était étonnés, mais dans le bon sens du terme, d'avoir autant d'accueil et autant de public l'année dernière. Du coup, là, c'est pour le 16 octobre, donc autant dire que c'est demain. S'il y a autant d'afflux, est-ce qu'il faut qu'on réserve tout de suite ? Alors oui, on vous le conseille, il y a une billetterie en ligne. Donc, vous pouvez acheter à la fois à la séance où il y a également des passes pour les films, mais également pour les masterclass. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé. Les masterclass, pour définir assez simplement, c'est une rencontre avec une personnalité du cinéma. Mm-hmm. Donc, qui sera qui ? Alors, il y en a plusieurs. Alain, tu veux peut-être... Alors, il y a le gros morceau pour moi. Oui, c'est Alexandre Aja. Donc, une sommité dans le film d'horreur, on peut dire. Hein. C'est un Français qui est reconnu à l'international. Uh-huh. Fils d'Alexandre Arcadi, lui-même réalisateur. Mm-hmm. Donc, quelqu'un que tout le monde, en particulier moi, rêve d'interviewer. Quoi. Donc, c'est une chance que tous les cinéphiles de genre vont pouvoir avoir grâce à Mauvais Tour. C'est quoi les rêves d'Alexandre Aja, du coup, que tu peux nous donner ? La Colline à des yeux, par exemple, Piranha, il a refait un Piranha. Crawl, qui était diffusé récemment la Nuit de l'horreur au cinéma studio. voilà, c'est quelqu'un qui marque le cinéma d'horreur international. Mmh. C'est une pointure. Là, là on peut parler de Romero, par exemple, ou pour l'Italie, ou des gens comme ça. Il y a, c'est les États-Unis. Il y a vraiment des gens, Dario Argento, je confondais les deux. Voilà, c'est des gens qui ont vraiment marqué l'horreur et qui vont encore le marquer. Et la gente féminine n'est pas en reste, puisqu'il y avait aussi une masterclass avec Stéphanie Guillon. À ne pas confondre avec Stéphane Guillon, l'humoriste, absolument rien à voir. Ce que j'ai failli faire au départ. C'est comme après... Michel Bernier, Barnier, ouais, des fois il y a des confusions. C'est ça. Donc c'est une spécialiste du maquillage de cinéma et qui a notamment réalisé des maquillages pour le film The Substance, donc un film qui a gagné un prix l'année dernière et un film quand même avec Demi Moore réalisé par Coralie Farja, donc encore une Française. Mais l'an dernier, vous y étiez allé, vous, les gars, il me semble bien. Oui, hein, oui. Je vois Vincent me faire un pouce. Oui, Vincent qui a la technique, en effet. De Substance, d'ailleurs, je crois que tu avais plutôt bien aimé, ça. Et il avait fait La Nuit Maléfique. Moi, je me suis fait tout le festival, que je vais refaire encore cette année pour le compte de Radioactive, mais de nombreuses personnes. Et ce qui est bien, c'est que ça a attiré aussi un public qui n'est pas forcément fan au départ. Des moi, curieux Moi, j'avais fait de la publicité autour de moi. Et ouais, on rencontre des gens qui sont venus, qui n'étaient pas forcément fans de films d'horreur, par exemple, surtout l'horreur, pour le polar ou le fantastique, plus ou moins. Mais il y a des gens qui sont repartis en disant « Ah bah ouais, on reviendra l'année prochaine et on ira voir plusieurs séances. » Mais est-ce que dans l'esprit de certaines personnes, l'horreur, ça reste pas Massacre à la tronçonneuse ou ces trucs-là, en fait, qui peuvent, du coup, on va se dire ah, « ça va être un bain de sang, ça va être... Non, il n'y a pas des idées un peu préconçues encore sur le film d'horreur ?» Alors, il y a des préconçues, en effet, sur les films d'horreur, mais il y a souvent, en fait, je pense, dans les bons films d'horreur, je pense à Romero ou plus récemment par exemple à 28 jours plus tard et pas la suite que j'ai trouvé un peu mauvaise, enfin bref, ça c'est un autre débat, mais aussi en fait le festival Mauvais Tour, c'est l'imaginaire au sens large du terme, donc ça n'inclut pas forcément que l'horreur, il y a aussi le fantastique, le thriller. Oui, c'est ça, il peut y avoir aussi l'horreur psychologique, quoi, qui est d'ailleurs beaucoup plus... On nous laisse penser, et c'est notre esprit qui fait le boulot, quoi, entre guillemets. Tout ce qui est dans le hors-champ. Oui, c'est ça. Et toi, Géric, pour être bénévole dans le cadre de ce festival, c'est quoi qui fait que tu as un attrait pour ce style de cinéma-là? C'est un truc qui date d'il y a longtemps? Tu as toujours aimé ça? Alors oui, c'est un truc que j'ai pas mal aimé. En fait, j'ai côtoyé au début le festival donc Mauvais Genre en tant que public, et une ancienne photographe, Magali, si tu nous écoutes, m'avait proposé « Est-ce que tu veux devenir bénévole au catering ?» Donc le catering, c'est faire de la nourriture pour l'équipe du festival. Je dis « D'accord, mais je ne sais pas cuisiner. » Elle me dit « C'est pas grave, t'es embauché. » Et donc, de fil en aiguille, je suis resté. Après, il y a eu en effet une longue pause à la fin de Mauvais Genre, qui s'est arrêtée à sa 10e édition. Et puis, quand j'ai entendu reparler de Mauvais Tour, j'ai tout de suite répondu présent à l'appel. Et en fait, Mauvais Tour a été lancé notamment sous l'impulsion de Nicolas Martin et Simon Rio, qui étaient à la base dans la presse en fait, du festival Mauvais Genre, et qui trouvaient dommage que l'aventure s'arrête là. Ouais, c'est ça l'avantage, c'est qu'on est dans une salle avec des professionnels, des bénévoles, des fans lambda. Et tout ça discute. J'ai souvenir justement de Mauvais Genre, un des festivals, d'être à côté d'un réalisateur allemand, si tu vois lequel quelqu'un, qui avait gagné après d'ailleurs. Et on s'était mis, je parle un petit peu allemand, on s'était mis à discuter du film qu'on était en projection. Et le lendemain, on me dit tiens, tu vas interviewer le réalisateur. Et en face de moi, j'avais le gars avec qui j'avais parlé la veille. Et donc c'est vraiment. Cette approche... Une proximité. Quoi. Voilà, une proximité avec tous les participants. Et t'as fait l'interview en allemand, bien sûr. Non, il parlait bien le français. Il va nous la refaire, d'ailleurs, là, tout de suite. Ja, natürlich. Et Nicolas et Simon, que tu évoquais, comment ils construisent la programmation? C'est-à-dire qu'eux voient les films avant? Alors, en fait, ils font c'est des films qu'ils ont pu voir avant. Après, je vous avoue qu'eux sont vraiment dédiés à la programmation. Ouais. Et puis, ils sont à la base... professionnels en fait du cinéma. Il y a aussi des appels à films qui sont faits donc sur internet, et donc il y a un comité de visionnage qui se fait entre bénévoles, pas avec tous les bénévoles, vraiment un pôle, parce que ça prend du temps, il faut aussi il doit y avoir énormément de propositions, c'est ça, il y a à boire et à manger, comme on dit, et voilà, donc il faut faire un choix, répondre aux personnes qui ont postulé. Ça demande pas mal de travail, mais voilà, c'est comment se construire une programmation. Et puis aussi il y a tout un aspect légal, si j'ai envie de dire, Pour les droits. C'est ça, pour les droits de distribution, tout à fait. Ah ouais. On ne peut pas diffuser n'importe quel film. Quand on projette un film, ce n'est pas un simple fichier MP4 ou un DVD qu'on achète. C'est vraiment un fichier spécial au format cinéma. Enfin, voilà, sans vouloir rentrer dans les détails techniques, c'est des choses à prendre en compte. Oui, mais bien sûr, c'est des choses que le public n'imagine pas, évidemment, c'est tous les à côté. On a évoqué un petit peu la prog au travers des masterclass, mais est-ce qu'on peut rentrer dans le détail un petit peu de ce qui va être proposé par date? Et bien sûr, alors on commence le jeudi 16 octobre dès 19h, donc au cinéma studio de rue des Ursulines à Tours, juste derrière la cathédrale, voilà, pour ceux qui ne situent pas forcément. Avec il y en a encore qui ne connaissent pas les studios? Peut-être. Bah, les gens qui ne viennent pas de Tours. Les gens qui ne viennent pas de Tours. Ah bah oui. Oui, bah eux, on les pardonne. Et donc, on commence avec un film qui s'appelle L'homme qui rétrécit. En plus de... Enfin, il y a une cérémonie d'ouverture avec, évidemment, un discours... je vous rassure, c'est pas un discours pompeux. Et de l'humour. Voilà. Alors, L'homme qui rétrécit, donc, pour en venir, c'est un film franco-belge. Donc là, on est plus dans de la science-fiction d'une durée d'1h47. Donc, c'est un film de Yann Kounen avec... Jean Dujardin, voilà. C'est un remake, d'ailleurs. Mais il fait tout le temps des films où il est tout petit, lui. Peut-être. Il n'y a pas eu un film avec Efira ou... Si, oui, il jouait un homme tout petit. Oui, ouais. C'est ça. Bon, pardon, je t'ai coupé pour une réflexion totalement... Peut-être une réflexion sur le film. Non, je pensais plutôt si c'est un remake du vieux film. Alors, non, je ne crois pas. Je ne suis pas sûr, je vous avoue. Mais... Non, parce qu'il y avait, en noir et blanc, il y avait un vieux film, L'homme qui rétrécit, qui m'avait effrayé à l'époque, puisque en rétrécissant, à un moment, il doit affronter une araignée qui est à taille normale. Ah oui. C'est assez horrible. Et c'est une séance qui sera donc en compétition, puisqu'il y a des films, suite au festival, il y a des prix qui sont décernés donc, aux différents films. Donc ce film fait partie de cette compétition, et vous aurez la chance d'avoir le réalisateur dans la salle. Il n'y aura pas Jean Dujardin. Non, il ne sera pas là. Il ne peut pas être partout. Il n'y a pas longtemps, il était à Piriac pour le festival du court-métrage à laquelle nos amis de Jouer Photo Images participaient d'ailleurs. Bon, bah Jean Dujardin, si tu nous écoutes, Jean, on te salue. Si tu ne sais pas quoi faire. Donc ça sera jeudi. On enchaîne ensuite sur le vendredi 17 octobre. Il y a une séance scolaire qui est proposée. Donc, je parlais de Flow l'année dernière, c'était un des films qui était proposé en séance scolaire. Cette année, ça sera le film Planète. Donc là, un film tout public, 10h. Donc vous vous dites, vendredi 10h. Il est rediffusé, je crois, c'est pas ça? Il est rediffusé, oui, tout à fait, le samedi 18 octobre, donc le lendemain, à 10h30. Donc, ouais, pas d'excuses pour le rater. Il est vacances, en plus. C'est grâce matinée. Tout à fait, et puis c'est le samedi. Ensuite, toujours le vendredi 17 octobre, donc il y a un enregistrement du podcast « Réaliser sans trucage », dont on parlait tout à l'heure avec l'équipe. Et ça, ce sera à l'espace Joséphine Baker. Donc, c'est en fait une salle qui se situe au Conservatoire de Tours. Donc, c'est pas très loin. Vous allez juste à traverser la rue. Mm-hmm. Et vous y serez. Donc, ça, ce sera à midi. N'hésitez pas, parce que l'année dernière, c'était complet. Ensuite, on enchaîne sur The Neon People. Donc, là, retour au studio à 14h. Je vous avoue que je connais pas trop ce film. À ne pas confondre avec Neon Demon. Donc, là, c'est un film français à 14h. Bah, l'idée, c'est que tu les découvres aussi en même temps. C'est tu les ça. Vois tous, toi, quand tu Alors fais non, le festival figurez-vous que j'en vois pas tellement. Finalement. C'est vrai. Ouais, t'es bénévole, ça donc t'es puni, toi. Bah, puni. Après, ça dépend. Oui, puis ça dépend aussi de si tu fais partie du circuit de sélection entier. C'est ça. Oui, ouais, ok. Donc là, encore un film franco-belge pour The Neon People. Et on a un trouillomètre pour le film. Donc, c'est-à-dire une échelle, en fait, pour savoir. On trouvait ça important. Donc là, on est à 2 sur 5. Donc voilà, on va de 0 à 5. Ah ouais. 0 tout public. Et t'en as qui tapent le 5 ? Il y en a qui tapent le 5, surtout le samedi. Donc voilà, on trouve ça important. Tu nous le diras après. Donc. Okay. Et vous pouvez retrouver tout ça sur le programme, hein, sur notre site, donc mauvaistours.com. Également, le 18 octobre, donc il y aura la masterclass dont on parlait avec Stéphanie Guillon. Donc là, retour à l'espace Joséphine Baker, donc organisé par Stéphanie Guillon, sur les effets spéciaux, pratiques et maquillage. Et ensuite, on enchaînera encore un film, donc Hérésie, à 13h. Vous voyez, le timing est assez serré. Hérésie, donc film en compétition. Et ensuite, Masterclass, à nouveau, avec Alexandre Aja, à 14h. Et ensuite, il y a tout plein de films, le samedi 18. On ne va peut-être pas tous en parler, mais il y a Mother's Baby et Yoroi, notamment. Et également La Nuit Maléfique. Donc La Nuit Maléfique, là, on pousse le trouvomètre jusqu'au bout, à partir de 22h. Et on va peut-être les citer, nos partenaires Shadows. Voilà, c'est un service de streaming spécialisé dans l'horreur en français et qui sont encore cette année partenaires du festival. Ah, c'est chouette, ça. Vous avez des partenariats qui sont intéressants, du coup. Et puis, cette nuit maléfique est vraiment fandard, parce que là, il y a l'ambiance qu'on retrouve souvent au studio quand il y a des festivals, c'est-à-dire ça rigole, ça crie. Mmh. C'est, étant donné que certains, c'est des films vraiment gore, faut le dire. Mais parfois avec une dose d'humour. Mais avec de l'humour. Là, par exemple, on a Le Crocodile de la Mort, si je ne m'abuse. Le Crocodile de la Mort. Et bon, je l'ai vu, voilà. Donc, c'est des films qui sont à la limite des fois ce qu'on appelle le nanar ou série Z. C'est ça. Mais bon, voilà, c'est, l'ambiance, c'est sympa pour l'ambiance. C'est aussi c'est ça. C'est vendeur, ça, du nanar gore. Oui, oui. En fait, dans la programmation du festival, il y a aussi bien des films sérieux que des films second degré, on peut le dire. Oui. Donc, voilà, c'était aussi une optique dans ce festival, c'est d'avoir quelque chose d'assez large au niveau de la pensée, de la façon de voir les choses. Et également, je ne l'ai pas cité, mais le samedi 18 octobre, il y aura aussi un moment de radio. Puisque Radio Béton, qui est partenaire du festival, organisera un direct aussi, dans la cour des studios. Donc si vous êtes curieux de voir comment se fait de la radio en direct, cette année, ça ne sera pas fermé dans une bibliothèque comme l'année dernière. Donc n'hésitez pas, justement, Ludo de Béton avait à cœur de faire participer le public. Et il n'y aura pas de séance en même temps. Ça, c'était une demande et on a trouvé ça très malin de sa part. C'est justement pour avoir un instant d'échange et de réunion. Chouette idée. Bravo Béton pour cette initiative. Bravo ouais, Ludo. Ouais, ouais. Si tu nous écoutes. Parce qu'on l'a pas dit, mais Géry Béton, tu connais bien. Oui. Et ensuite, est-ce que vous voulez qu'on passe au dimanche 19 octobre? Bah, évidemment. Bien évidemment, sûr. De la suite. Alors là, c'est le dernier jour. J'espère que vous serez encore en vie. Donc là, il y a une partie de la programmation qui sera au Bateau Ivre. Devrait un peu marcher. Mmh. Rue Édouard Vaillant, mais ça reste gérable. Là il y aura notamment un temps fort, c'est le ciné quiz et hot dog. Donc là on va encore plus dans le second degré, donc il y aura à la fois de la projection et des quiz, puisque le Bateau Ivre propose aussi, on a l'impression que c'est qu'une salle de concert, mais il propose aussi régulièrement des films, plein de choses, aussi bien du court métrage. Et ce quiz, il sera réalisé par l'équipe du Bateau, non, l'équipe de Mauvais Tour, par l'équipe de Mauvais Tour, ouais, ok. Donc pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous avez pu voir le niveau, malheureusement, je n'ai pas pu y assister, mais ça parlait notamment de crocodile géant et de Doug. Okay. Alain, peut-être un mot dessus? Non, je n'ai pas pu participer. Le problème, c'est que j'avais été au film le matin, et donc à un moment, j'ai eu un coup de latte. Et j'ai dit, je raciste le soir à la clôture, et j'avais fait les courts-métrages, je crois aussi. Donc je ne pouvais pas être... c'est ça le problème. Mais bon, cette année, on en a tenu un peu compte, visiblement, puisque... Ça a été un petit peu repensé. Voilà, quoi. Voilà. C'est non, ça. Mais c'est normal. L'année dernière, ils essuyaient les plâtres. Bah, si tu veux tout faire, effectivement, ouais, c'est un marathon, quoi. C'est le marathon du mauvais genre. C'est souvent le cas dans les festivals de ouais. cinéma. Pour ceux qui ont pu en voir, j'en profite pour dire que si vous avez un pass, en fait, le pass vous donne le droit à la séance, mais ne vous le garantit pas forcément, dans le sens où s'il y a trop de monde. Si la salle est pleine, en fait, les gens ne vont pas sortir de la salle pour vous. Voilà, donc, s'il y a des films que vous attendez vraiment et que vous avez un pass, présentez-vous un peu à l'avance, histoire de ne pas rester le bec dans l'eau, comme on dit. Garantie en salle, je vois, jusqu'à 15 minutes avant le début de la séance. C'est ça, voilà. Okay. Donc c'est important de le signaler. Et ça, c'est une règle qui est présente dans la plupart des festivals de cinéma. Je reviens au Bateau Ivre. Au Bateau Ivre, on parlait de concerts et il y aura également un ciné-concert à 14h. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, donc en fait c'est une proposition cinématographique, ce n'est pas les musiques d'un film qui sont rejouées en direct, comme on peut par exemple le voir avec Le Seigneur des Anneaux. Non, là c'est une musique, enfin une ambiance qui est un concert qui est joué avec le film en projection pour s'adapter au film. Et donc l'année dernière, on a eu Plage 84, donc le DJ Tourangeau. Et cette année, le film sera Electric Dragon par Motron et Norman Ledeuil. Donc un film japonais, je pense qu'il est coupé puisque la durée du ciné-concert est de 55 minutes. Donc voilà, je vous invite à voir le programme pour plus de détails. Et puis, y a, en parallèle, il faudra choisir les courts-métrages. C'est ça, donc compétition de courts-métrages, cette fois à 16h et au cinéma studio. Et c'est de l'artiste local, là, le court-métrage, ou pas? Non, c'est... Pas forcément. Voilà. International, ouais. Voilà. Ah oui, d'accord. Bah après, vous avez le temps de faire les deux, hein, puisque le ciné-concert, normalement, devrait finir aux alentours de 15h. Ça vous laisse une petite heure pour retourner au cinéma studio. Et puis pourquoi pas en profiter pour aller au village, et à la buvette. T'as raison, il faut aussi se substanter. Comme c'est ça. Mais cela dit, l'année dernière, je me souviens qu'après coup, tu avais dit que c'était chouettement organisé, ça, justement, parce qu'entre deux films, tu pouvais justement te restaurer, tout ça. Ah, bah, c'est un aspect que vous aviez bien aimé, tous les deux. Là, oui, bah, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'on ne passe pas, comme certains festivals, ou la fête du cinéma, où on peut enchaîner les films, mais on n'a pas le temps un petit peu de digérer. Donc l'avantage, là, hop, on va prendre un petit gâteau, on boit un petit coup, on parle du film qu'on a vu avec des gens, des fois qu'on ne connaît pas, on se repose un peu les mirettes, hein, ça fait du bien de aussi se reposer, et après, on repart à nouveau dans soit un masterclass, soit un film, mais on est dedans, quoi. On a le temps un petit peu de souffler, et ça, c'est appréciable. Parce qu'il y a un espace restauration donc, proposé par les bénévoles du festival, et une buvette gérée par une célèbre brasserie que vous connaissez sûrement. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. On voit que c'est un habitué de radio. Non mais surtout si on veut voir tous les films. C'est ça. Et donc rassurez-vous, ça sera une buvette qui propose aussi des softs, on en a tenu compte. Et derrière, il y aura une carte de softs qui sera plus élargie, parce qu'on a eu un retour du public justement où il trouvait la proposition hors bière un peu mince. Donc voilà, on a pris en compte vos retours. Ok. Donc là, on retrouvera un catering avec des bénévoles qui savent cuisiner, qui savent faire... J'espère pour vous. Et oui, j'ai aucun doute sur elle. Eh bien, chouette. Une belle programmation. Ça donne envie, en tout cas. C'est toujours pareil quand on entend les bénévoles, les organisateurs nous en parler. Vous avez l'art de nous donner envie d'aller pousser les portes des studios. C'est ça. Pour découvrir... T'as un coup de cœur, toi, personnellement, un truc que t'attends particulièrement? Alors, le film Good Boy... Ouais. Qui sera le vendredi 17 octobre à 21h30. Pas sûr que je puisse aller le voir, mais celui-là, je l'espère. C'est ça, en fait, pour résumer le film, c'est un film d'horreur, mais vu dans les yeux d'un chien. D'où le titre Good Boy qu'on peut. Voilà, okay. On avait un chat tout mignon l'année dernière. Et maintenant, on a un chien qui est sûrement tout mignon, mais qui voit des choses un peu moins mignonnes. Et toi, Alain, de ton côté, un truc que t'attends? Good Boy, là, ça a l'air d'être. Ouais. J'attends. Je veux voir ce que ça donne, le Dujardin. Parce que... Mais il sera tout petit. Voilà. Non, mais bon, autant j'apprécie le Dujardin d'OSS 117 que certaines productions, ça fait... Voilà, j'aime moins. Mais après, tous les goûts sont dans la nature. Et puis après, l'avantage de ce festival, c'est qu'on découvre des films qu'on n'attendait pas. Et ça fait toujours plaisir. Et puis, du film de genre... C'est toujours bien parce qu'on dit que le cinéma est en baisse actuellement, mais en français, on le voit d'ailleurs avec Aja, avec... Coralie Farja. Hein? Alexandre Aja et oui, Coralie Farja. Et Coralie Farja. Voilà, entre autres, mais il y a plein de Français, de Françaises, réalisateurs, acteurs qui font de très bons films de genre, mais qui ont du mal à passer à l'échelon commercial, disons. Il y a souvent une association en France, quand on dit film français, on s'attend forcément à un AV. La voilà. Comédie, ou le polar, ou le film romantique. Pseudo-psychologique, voilà. Et c'est dommage, parce qu'on excelle dans différents domaines. Mais, le film français, on a comme Nigérie, il y a les œillères, c'est le film qui doit être comme ça. Et c'est très bien qu'il y ait des festivals comme Mauvais Tour, parce que là, on a l'occasion de voir qu'à l'international, on fait des choses, en France aussi. Et puis, ça permet un peu de vulgariser, disons, le genre. Et ça, c'est un des atouts de ce genre de festival. En tout cas, tu seras notre témoin sur place, Alain. Tu nous ramèneras tes impressions, tes interviews. Bien sûr. Là, je ferai à nouveau un cinéphage. L'année dernière, j'avais fait un cinéphage spécial Mauvais Tour. En plus, ayant couvert Mauvais Genre pendant plusieurs mois, c'est là que j'ai d'ailleurs rencontré Gériel, puisqu'il était dans le public avec moi à l'époque, hein, avec les copains de campus, avec des copains de béton et tout ça. Et moi, j'avais d'ailleurs trouvé très sympa un petit peu cette petite bande qui se baladait de film en film. On discutait sur les films, on se marrait. Et puis, Géry a suivi l'aventure en étant maintenant totalement bénévole. Et puis, une des chevilles ouvrières de ce festival. J'ai retrouvé d'ailleurs d'autres camarades. Un petit coucou à Johan. Lui, on a un passé depuis des années. Et puis, j'ai découvert des nouvelles personnes. Et puis, une équipe vraiment sympathique qui est vraiment là pour aider le côté presse. Je parle là en tant qu'accrédité presse. On est attentif à notre demande. Et c'est des gens qui sont tout à fait accessibles. Et puis, des fans de cinéma comme nous. Donc, quoi de mieux? Parfait. On rappelle les dates ? C'est ça, du 16 au 19 octobre, donc dans trois lieux que sont les cinémas studios, l'espace de Joséphine Baker au conservatoire de Tours, et ainsi que le bateau ivre rue Édouard Vaillant, juste en face de la gare Flixbus. Et on salue Brice d'ailleurs. C'est ça. Et on réserve comment ? Rappelle-nous, il y a des réseaux où on peut retrouver d'ailleurs toutes cette programmation. Alors, on retrouve tout sur Facebook, Instagram, et pour être redirigé vers le lien Hello Asso, donc pour la billetterie, c'est mauvaistours.com. Et en parlant de date, j'en profite également, il y aura quelques séances en plus de certains films. Il y aura notamment un événement le 23 octobre, donc une rediffusion de Flo à la médiathèque Jouer les Tours. Donc c'est pas directement dans le festival, mais on les remercie quand même d'avoir relayé ce très beau film. N'hésitez pas à contacter la médiathèque de Jouer les Tours pour cette séance, donc le jeudi 23 octobre à 15h. Super. Bah, merci beaucoup, Géry. Merci à vous. Précise aussi que la Nuit Maléfique est une séance qu'il faut vraiment réserver à l'avance parce qu'il y a du succès. Donc, il ne faut pas hésiter parce que c'est... N'hésitez pas, donc, pour revenir sur la nuit maléfique, c'est à partir de 22h, donc au cinéma studio, jusqu'au petit matin. Voilà, les gens qui ne peuvent pas assister à tout le festival et qui aiment l'horreur, vous savez que ça, voilà, c'est vraiment à ne pas louper. Voilà. Ok. Géry, nous, on se retrouve bientôt. Normalement, si tout va bien, on se retrouve sur les Rocos. C'est ça. Donc voilà. Là, on ne parlera pas de cinéma, mais de musique. Mais c'est bien aussi. C'est ça. Bon, et puis l'un va souvent avec l'autre. Tout à fait. Et ben voilà, ce sera un grand plaisir de retrouver toute l'équipe du CRAC, le collectif des radios associatives du centre. Voilà, qu'on salue d'ailleurs s'ils sont à l'écoute de nos programmes. Et ben très bientôt. Merci Alain. On se retrouve, toi, le mercredi. Oui, puis bientôt au festival avec Géry. Ben, complètement. Bien sûr. Et puis après, bien sûr, Cinéphage, Cérivore, toujours sur Radioactive. Et Woozrock. Et Woozrock, maintenant, en effet. Et puis, il y aura un Cinéphage spécial Mauvais Tour, deuxième édition. Voilà, a posteriori. Donc, tu reviendras peut-être, Géry ? Pourquoi pas ? J'habite pas très loin. Bon. Eh ben ça marche. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de ce mag spécial ciné. Spécial festival Mauvais Tour du 16 au 19 octobre. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur le site www.radioactivefm.fr. Merci. Salut. Bye bye. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.